casser les dents sur un silence de malentendu, à déverser sur les gens un combat que je ne veux plus. Les échos de la Grande Guerre, traversée fatale et onirique. En condamnant un enfant, c'est les ancêtres que je tue. Ils ont appris en souffrant le concept de cause perdue. Les échos de la Grande Guerre, traversée fatale et onirique. J'aime me baigner dans ce silence qui m'effraie autant et qui laisse à mon âme l'espace et le temps de se déplaire. Je m'écœure moi-même dans cette introspection de l'horreur. Je suis un maître du silence, le silence qui veut tout dire, le silence qui entend, le silence qui respire. Je m'écœure moi-même dans cette introspection de l'horreur. J'étais d'accord, pour être docile, mais jamais patient, mais jamais rien du subconscient. Je m'écœure moi-même dans cette introspection de l'horreur. J'aime me baigner dans ce silence qui m'effraie autant et qui laisse à mon âme l'espace et le temps de se déplaire. Je m'écœure moi-même dans cette introspection de l'horreur. Je suis cassé les dents sur un silence malentendu, à déverser sur les gens un combat que je ne veux plus. Les échos de la Grande Guerre, traversée fatale et onirique. En condamnant un enfant, c'est les ancêtres que je tue. Ils ont appris en souffrant le concept de cause perdue. Les échos de la Grande Guerre, traversée fatale et onirique. Avancez au regard peint la stratosphère. un caprice, Jean des étoiles. À défaut d'agonie, je peux faire mes sentiments. À défaut d'euphorie, je peux peindre moi enfant. C'est quelques gouttes de pluie qui ont rayé la vitre de ma voiture, m'emmenant dans les étoiles, m'emmenant dans un lieu normal. Toutes ces années qui se déversent sur mon sommeil, dans mon cœur, ce petit lopin de terre que l'orage illumine. Cette chimère née d'expériences vides et privilèges. Dans mon cœur, ce petit lopin de terre qui me domine. Temporel, universel, aveuglant d'un caprice, géant des étoiles. À défaut d'agonie, je peux faire mes sentiments. À défaut d'euphorie, je peux peindre moi enfant. C'est quelques gouttes de pluie de ma voiture, m'emmenant dans les étoiles, m'emmenant dans un lieu moral. Toutes ces années qui se déversent sur mon sommeil, dans mon cœur, ce petit lopin de terre que l'orage illumine. Cette chimère née d'expériences vides, privilèges. Dans mon cœur, ce petit lopin de terre qui me domine. Sentiment.

flamants de passage saturés dans le silence. Caressant les images chavirées, mon esprit danse. Cacophonie des âges embrasés, les circonstances. Je me suis mis en page à brûler les apparences. Cali conduit la joie, serment de passage, ultime voyage, ultime voyage. Cali conduit la joie, serment de passage, ultime voyage, ultime voyage. Chimique aléatoire, serment de passage. L'ultime voyage, mécanique ondulatoire, les amants de passage, l'ultime voyage, chimique aléatoire, les amants de passage, l'ultime carnage, l'ultime carnage.